de Friedrich Hölderlin. Patmos. Proche et difficile à saisir le Dieu, mais où est le péril? Crois aussi ce qui sauve. Dans la ténèbre habitent les aigles et sans effroi, les fils des Alpes passent l'abîme sur des ponts de légèreté. Ainsi, comme autour s'amoncellent les cimes du temps et que les aimés habitent proches, languissant sur les monts les plus séparés, donne l'eau intacte. Oh, donne-nous des ailes pour le plus fidèlement passer au-delà et retourner. Ainsi parlais-je, quand m'enleva, plus rapide que je l'eusse soupçonné, et loin, où je ne pensais plus arriver, un génie hors de ma demeure. Dans l'avant-jour apparaissait, comme j'allais, la forêt d'ombre et les ruisseaux errants de la patrie. Je ne connaissais plus les pays. Mais bientôt, dans un éclat frais, pleine de secrets, dans la fumée d'or s'épanouit, rapidement déclose avec les pas du soleil, avec mille cimes embaumant, devant moi l'Asie, et je cherchais, ébloui, quelque chose de connu, car j'étais étranger à ces larges allées où Dutmolus dévale le pactole paré d'or, où le taurus se dresse et le mésogis est plein de fleurs le jardin, feu silencieux. Mais oh, dans la lumière, fleurit la neige d'argent et témoin d'une vie immortelle à des parois impraticables. Le lierre immémorial croît et sont portés par de vivantes colonnes, cèdres et lauriers, les palais fériaux d'œuvres divines. Or il y a, bruissant autour des portes de l'Asie, filant çà et là, dans l'incertaine plaine de la mer, assez de routes sans ombre. Mais le nautonnier sait les îles. Et lorsque j'entendis que des proches qui reposent, l'une était Patmos, le désir me saisit d'entrer là-bas et là-bas d'approcher de la grotte obscure. Car ni comme Chypre, la riche de source, ou l'une des autres, n'habite souverainement Patmos. Mais accueillante, dans la maison plus pauvre, elle est pourtant, et lorsque d'un naufrage, ou pleurant, la patrie ou l'ami séparé, l'approche un des étrangers, elle l'entend volontiers, et ses enfants, les voix du bocage brûlant, et où le sable tombe et se fend la surface du champ, les sons l'entendent, et, aimant cela, résonnent des plaintes de l'homme. Ainsi prit-elle, jadis, soin de l'aimer de Dieu, du voyant qui, en bienheureuse jeunesse, était. Aller avec le Fils du Très-Haut, inséparablement, car il aimait le porteur d'orage, la simplicité du disciple, et il vit l'homme attentif. le visage du Dieu au plus près, quand, au secret du cep, ils siégeaient ensemble, à l'heure de la scène, et en sa grande âme, pressentant calmement, le Seigneur prononça la mort et l'ultime amour, car il n'avait cesse de dire les paroles de miséricorde jadis et d'éclaircir, en la voyant, la fureur du monde. Car tout est bien. Puis il mourut. Beaucoup serait à en dire. Et à la fin encore ils le virent, les amis, comme ils regardaient victorieux le plus joyeux. Pourtant ils s'affligèrent quand ce fut le soir, effarés, car ils assumaient en leur âme, ces hommes, un grand avènement, mais ils aimaient sous le soleil la vie, et ne voulait quitter le visage du Seigneur et de la patrie. Cela était rentré comme le feu dans le fer, et l'ombre de l'aimé allait à leur côté. Alors il envoya l'Esprit, et vraiment trembla la demeure, et les orages de Dieu roulèrent, tonnant au loin sur les têtes pressentantes, quand, lourds de songes, étaient rassemblés les héros de la mort. Il leur est, en se séparant, encore une fois apparu, car le jour du soleil s'éteignit, le royal, et il brisa son sceptre, Dieu souffrant, sa lance radieuse de soi-même, car tout devait revenir au temps juste. Ce ne fut pas aller bien plus tard, et infidèle, l'œuvre des hommes brusquement se fut rompue, et c'était une joie désormais d'habiter en nuit aimante et de garder dans des yeux simples et sans pareil les abîmes de la sagesse. Et il verdit aussi de vivantes images au profond des montagnes. Mais c'est terrible comme en tout sens Dieu disperse sans fin ce qui vit. Car déjà de laisser le visage des amis chers et de s'en aller loin par-delà les montagnes, seul ou deux fois reconnu unanimement, fut l'Esprit céleste, et cela ne fut pas parole de prophète, mais présence saisie aux cheveux, quand le Dieu soudain, filant au loin, regarda vers eux et qu'ils le conjurèrent, nommant le mal et se tendant les mains, de le tenir lié pour toujours, comme par des cordes d'or. Mais lorsque meurt ensuite celui que la beauté habitait si suprême, que son corps était une merveille et que sur lui avait fait signe les célestes, et lorsqu'énigme éternellement l'un pour l'autre, ils ne peuvent se saisir l'un l'autre, ceux qui vivaient ensemble dans la mémoire, et que cela emporte non seulement le sable ou les pâturages et s'empare des temples, lorsque la gloire du demi-dieu et des siens s'efface, et que le Très-Haut lui-même détourne son visage, en sorte que nulle part rien d'immortel au ciel n'est à voir, ou sur la verte terre. Qu'est cela? C'est le lancer du semeur lorsqu'il puise avec la pelle le froment et vers la pureté le lance vibrant sur l'air. La balle lui tombe devant les pieds, mais à la fin le grain arrive, et ce n'est pas un mal si un peu va se perdre, et si de la parole s'évanouit le son vivant, car l'œuvre divine est semblable à la nôtre, tout à la fois, telle n'est pas la volonté du Très-Haut. Comme la mine porte le fer, et l'Etna la résine ardente, ainsi j'aurai richesse pour former une image fidèle et contempler tel qu'il fut, le Christ. Mais si quelqu'un s'exaltait soi-même, et parlant sombrement, en chemin, quand je serais sans défense, m'attaquait par surprise, et que du Dieu veuille un valet imiter l'image, en fureur éclatante vis-je une fois les seigneurs du ciel, non que je dusse être quelque chose, mais pour apprendre. Ils sont cléments, mais tant qu'ils règnent, le factice leur est chose odieuse, et il ne vaut ensuite l'humain parmi les hommes plus rien. Car ils ne gouvernent pas, mais l'immortel advenir gouverne, et leur œuvre d'elle-même se change et se précipite vers sa fin. C'est dire que lorsque s'élève la céleste marche triomphale, l'effort nomme, à l'égal du soleil, le jubilant fils du Très-Haut. En signe de reconnaissance, et voici la baguette du champ faisant signe de descendre, car rien n'est vil. Les morts, il les éveille, ceux qui ne sont pas encore captifs de l'inculte, mais beaucoup d'yeux craintifs attendent de contempler la lumière, ne désirent guère fleurir à de perçants rayons, bien que la bride d'or maintienne leur courage. Lorsque pourtant, comme oublié des sourcils enflés du monde, tombe de l'écriture sainte une force lumineuse en silence, puisse-t-il, s'éjouissant de la grâce, au silencieux regard, s'exercer. Et si maintenant les célestes, comme je crois, m'aiment, combien il t'aime plus encore. Car je sais une chose, la volonté du Père éternel vaut pour toi beaucoup. Silencieux est son signe au ciel donnant. Et un se tient dessous toute sa vie, car Christ vit encore. Mais les héros, ses fils, sont tous venus, et avec ces écritures saintes et les actes de la terre jusqu'ici, course rivale irrépressible, clame l'éclair, mais il accompagne, car ses œuvres lui sont, de toute éternité, connues. Il y a déjà longtemps, trop longtemps, que la gloire des célestes est invisible, car ils doivent presque nous guider les doigts et, honteusement, une violence nous extirpe le cœur, car chacun des célestes exige sacrifice. Mais lorsqu'un fut omis, cela jamais n'a apporté du bien. Nous avons servi la terre mère et servi récemment la lumière du soleil sans savoir, mais le Père, qui règne sur tous, aime. Avant toute chose que soit pris soin de la lettre ferme et bien montrer ce qui fonde. Le chant allemand le suit.